Vous deviez venir cet après-midi. Et moi confiant, je vous attendis. C'est annulé, vous m'avez dit. Je vous pardonne, mais ce n'est pas très gentil de me laisser comme une vieille femme tout seule chez moi. Je veux aimer, moi je veux sortir de chez moi. Bar, parcours, resto. À nouveau, oh, oh, oh. Aimer à nouveau, oh, oh, oh. Aimer à nouveau. Je n'ai plus qu'à laisser mon talent là où il est, au fond de ma culotte. Je n'ai plus qu'à laisser le silence s'installer. Je resterai comme en décembre 2007, amouraché d'une jolie fille mais d'une sale bête. Tout oublié et l'aimer à nouveau. Oh, oh, oh, oh, oh. Aimer à nouveau. Nouveau.